Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. Dans mes pensées échouées, ce que les jaloux veulent. Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. On s'aimait, trop d'a priori, détruit par tous les on-dit, les mythos ont gâché la vie. Peu à peu, mon cœur revit, écrit quand je m'assagis. Perdu, sentiment banni, j'ai salé mes textes. Mais ton flow pue et la texte, où ils ont visé ma tête. J'ai charclé le plus chaud ta tête, haï sans savoir, mais pourquoi ils me détestent. Ma musique une force, que les adeptes prennent en prétexte. Les habits souillés, seul sans aucun soulier. Personne ne m'a aidé, j'arrive en balle comme un gun déchargé. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Même percé par la violence, plus hardcore que Harlem. Trimé sans me dévêtir, prier sans me contenir. Les billets vont nous détruire, la réussite te fera gémir. La jalousie un défaut, défaut pluvial. Rien d'étonnant d'être puéril quand tes textes sont joviales. Rien d'étonnant d'être puéril quand tes textes sont joviales. Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. Dans mes pensées échouées, ce que les jaloux veulent. Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. Dans mes pensées échouées, ce que les jaloux veulent. Stylo une feuille, chicha, je trime, j'écris, je suis pas une diva. Je trime la crime, tes crimes m'empêcheront sûrement pas d'être official. Coronesse lourde, des mortes, wallah bilay. Je prie comme Miami, défoncé à mort comme Bilal. J'ai pas de frère que des gratteurs, obscurcis par ma noirceur. J'ai prié jusqu'à pas d'heure, je suis le final car je suis le meilleur. Talentueux et charlel, garde ton chapelet si t'es HLL. Ni chaîne ni argent, un arabe ne sera jamais tenu en chaîne. Dans le fossé, je vois les faussaires. J'ai beau rapper, je resterai toujours ce que mes exemplaires. J'ai dû touper le couplet, l'extrait est sévère. Souffle couplet, mon toupet est tout frais et divers. Meilleur de la génération et ça, ça les ronge. Te fumer jusqu'à la mort, parfois j'y songe. Meilleur de la génération et ça, ça les ronge. Te fumer jusqu'à la mort, oh là j'y songe. Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. Dans mes pensées échouées, ce que les jaloux veulent. Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. Dans mes pensées échouées, ce que les jaloux veulent. Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. Dans mes pensées échouées, ce que les jaloux veulent. Au-delà de mes limites, quoi que je fasse, on m'en veuille. On rêvait d'avenir, mais j'ai épousé ma feuille. J'ai beau chanter des textes, je me retrouve souvent seul. Dans mes pensées échouées, ce que les jaloux veulent.